Les grandes gueules, la terre de la semaine. Les grandes gueules avec déjà ce compliment de Marie sur internet rmcinfo.fr. Marie, merci messieurs dames pour ces 3 heures de bonheur tous les jours sur RMC entre 11h et 14h. Vous êtes notre cadeau de Noël. Avant l'heure, les grandes gueules. C'est plutôt sympa. Puis les grandes gueules, c'est la générosité. Les grandes gueules, Père Noël tous les jours sur RMC dans toutes les émissions. Un cadeau à vous offrir. C'est pas un jeu, c'est véritablement nous vous offrons aujourd'hui un lecteur DVD. Alors lecteur DVD entre 11h et 14h, celui ou celle d'entre vous qui fera la meilleure prestation live en direct au 3216 ou par internet rmcinfo.fr ou par SMS au 61068, celui ou celle qui sera le plus pertinent dans ses remarques qui aura bien donc la plus belle grande gueule. Les Pères Noël du jour, Olivier, je te laisse les présenter. Pour cette dernière de la semaine, les grandes gueules du jour, Sophie de Menton, bonjour Sophie. Bonjour, c'est agréable d'avoir des cadeaux à distribuer, moi j'adore ça. Alain Soral est avec nous aujourd'hui, bonjour Alain. La forme, non ? Petite mine, Alain. Petite mine, Alain, t'es malade ? Il pleut, je me suis couché tard. Ah, tu es venu en moto ? Tu as fait la fête ? Puis c'est l'effet de la Noé, une heure pour venir à moto, un grand bouteillage. Même à moto ? Je suis déjà usé, même à moto, c'est dur. Je croyais que c'était que les voitures qui peinaient dans Paris. Non, non, on peine tous. Et puis il y a une grande gueule qu'on va mettre à l'amende, parce que ça fait deux fois de suite, c'est Karim Zeribi, qui est à nouveau en retard aujourd'hui. Alors il ne pourra pas se protéger derrière l'effet de la Noé, deux fois de suite. Karim. Les orientaux, ça. Oui, c'est ça. Moi, je dis rien, je pars quart de fois. Il est dans l'ascenseur. La nonchalance méditerranéenne. C'est ce qu'on appelle le quart d'heure Zeribi. Il est dans l'ascenseur, il sera là dans 15 secondes, Karim Zeribi. Puisqu'on parle de Noël, de cadeaux, puisqu'on parle de Père Noël, c'est vrai qu'on marche sur la tête en ce moment avec cette histoire de sapin de Noël retiré du lycée Van Dongen à Lagny-sur-Marne au nom de la laïcité. Retiré quelques jours, simplement, parce que le sapin est ensuite revu dans l'établissement. Pourquoi ? Parce qu'un petit groupe de lycéens avait demandé au proviseur le sapin de Noël, monsieur, c'est contre la loi sur la laïcité et contre l'interdiction des signes religieux. Alain Soral, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? Bah, c'est faux d'abord. Il n'y a pas aucun lien, si on fait allusion au christianisme, entre le Père Noël et la naissance du Christ en réalité. Hein, c'est une... C'est au contraire une légende, je crois que ça vient des pays du Nord, c'est tout à fait charmant, c'est comme le renne du Père Noël, si on peut interdire le renne du Père Noël. Le sapin, on se doute bien qu'il n'y en avait pas en Galilée. Hein. Oui. Sur la date de naissance, il y a une erreur de 4 ans, et en plus ça sent plutôt la Scandinavie, quoi. Donc c'est encore un truc d'hystérie. Mais ce qui est embêtant, c'est cette contestation permanente, c'est fatigant, oui, là il y en a vraiment marre. En plus, bon, c'est vrai que nous on en parle, donc j'ai pas à dire ça, mais à force de le monter en épingle, il se rend intéressant pour n'importe quoi, oui, mais si, et ça suffit. Deux lycéennes qui ont été donc protestées auprès du proviseur. L'histoire ne le dit pas, mais y a-t-il manipulation ? Parce que j'imagine qu'on leur a sans doute soufflé l'idée d'aller contester la présence d'un sapin de Noël après la loi sur laïcité dans un établissement. Alors, moi ce que je comprends pas, c'est que le proviseur, qui est tout jeune, hein, c'est un nouveau proviseur, il vient d'arriver, il a cédé finalement à la contestation, il aurait dû dire c'est une connerie. Il suffit maintenant en France qu'un emmerdeur vienne pour faire de l'hystérie égalitaire, pour qu'on même on en parle à RMC, on devrait peut-être même pas en parler. Non, mais c'est peut-être pour alerter et dire que ça suffit les conneries justement. Et puis le retour de l'autorité, on a vu l'autre jour, on en parlait pour les patrons, mais c'est valable partout, et c'est pour ça que c'est exemplaire. Je veux dire, un proviseur, il est autoritaire, il est capable de répondre à deux gamines qui disent « Oh là là, mon Dieu, je me sens offensé par un sapin de Noël, ça suffit !» Mais là, il n'a pas été capable, il a retiré le sapin, ensuite, il l'a remis, et alors maintenant, il prévoit pour 2005 un grand débat de fond sur la laïcité. Non, mais... C'est mieux d'apprendre à lire et à écrire. Hein. Karim Zeribi, salut Karim, bonjour Karim. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de sapin de Noël ? Écoutez, moi je trouve qu'elle est ridicule, elle est grotesque, ça n'a aucun sens. Noël, c'est la fête pour tout le monde, pour les enfants. Pour moi, ça n'a pas de connotation religieuse. Moi, j'ai un beau et un grand sapin pour les enfants, et que tous ces gens-là arrêtent de nous emmerder, quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera à vivre ensemble sereinement, quoi. Si on donne autant d'importance à des groupuscules ou à des individus qui nous font chier et qui veulent imposer, donc je ne sais trop quoi, il faut arrêter, quoi. Ben moi, je crois qu'on leur fait trop de pub à ces gens-là. Le sapin de Noël, c'est important, c'est que c'est le symbole de la paix aussi. Parce que finalement, un peu partout dans le monde, il y a une trêve. Je signale d'ailleurs qu'il y a Noël, on le fête au Japon aussi, dans tous les pays du monde. Donc, c'est finalement presque devenu, malheureusement pour les chrétiens peut-être, presque une fête laïque. Alors, il y a un mythe, surtout la fête du commerce. Ah oui. Moi, quand je pense quand je pense Noël, je pense Galerie Lafayette, n'est-ce pas? Hein, je pense pas Galilée, petit Jésus, business dans lequel on est content de tomber. Oui, moi, je suis content de tomber dedans une fois dans l'année, excusez-moi. Hein. On est content de relancer l'économie, c'est vrai, mais attention, il y a autre chose derrière et respectons ceux pour qui il y a autre chose derrière Noël. Alors, Karim, on est content de tomber, de faire la fête, mais c'est vrai qu'il y a un peu une dictature de Noël, on est obligé de faire la fête, on est obligé de consommer à ce moment-là, on est obligé d'acheter, de faire des cadeaux. Vous permettez simplement sur une chose, je reviens sur cette histoire du sapin dans l'école. Parce que, d'un mot quand même, parce que le sapin, il était dans le hall d'entrée de l'école. Et là, tu sais où il a été remis, le sapin? Non, il a été remis au fond du réfectoire. C'est-à-dire qu'il n'est vu, le sapin, non pas partout, les collégiens et les lycéens, le proviseur l'a mis là où il y a simplement les demi-pensionnaires qui le voient, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le courage de le remettre dans le pôle. C'est pas fan de Père Noël, c'est un fan de Père de couilles, visiblement. Visiblement, pour le proviseur, effectivement, c'est pas très courageux de ça. J'aimerais retirer immédiatement cette expression. Je ne m'identifie pas du tout. Oui, et puis moi j'exige la parité de Mère Noël, Père Noël aussi, c'est un scandale machiste, histoire de Père Noël. Vive la Mère Noël. Beaucoup de courage. Alors premièrement, celui qui est attaqué, c'est pas les jeunes, c'est pas Noël, c'est pas ça passe, c'est le proviseur. Je pense que l'éducation nationale devrait être capable immédiatement de convoquer ce proviseur et dire, écoutez, on est capable de faire preuve d'autorité, c'est ridicule, et je veux dire, il y a un moment où ça suffit, c'est le proviseur qui t'a montré du doigt. Mais si nos institutions en général cèdent à tout bout de champ à des pressions, encore une fois, de groupuscules, on ne va pas s'en sortir. Moi, je pense que la République, c'est pas un régime de faiblesse, vous m'excuserez. Et partant de ce principe-là, on doit être capable d'assumer des choses, de les dire haut et fort, et puis de ne pas céder à des petits individus qui veulent quand même un petit peu nous bousculer. Ce qui prouve aussi que cette loi contre l'interdiction des signes religieux, c'est bel et bien n'importe quoi, puisqu'on en arrive aujourd'hui à instrumentaliser la loi. Elle avait dit. La guerre des religions, Moi, je fais pas de lien comme tu le fais. Excuse-moi. On s'est servi de la loi, justement, on l'a instrumentalisé, on s'en sert pas de lien. Non, tu fais des raccourcis, moi, qui sont pas. Je suis pas d'accord. Enfin, toutes ces lois d'interdiction communautaire, finalement, favorisent le communautarisme et la sensibilité communautaire, ça crée l'effet strictement inverse. Et ça, on voit déjà là avec la loi sur l'homophobie aussi, on peut en parler, qui fait qu'après les obèses, ça y est, d'ailleurs les handicapés sont allés manifester devant l'Assemblée le jour du vote de la loi sur l'homophobie, genre nous aussi on en veut. Et moi je pense que les obèses devraient demander aussi des lois d'exception, et à la limite on arrivera à l'annulation de tout ça par l'absurde, parce que quand il y aura des lois d'exception pour tout le monde, on reviendra à l'universalisme républicain. Mais je partage pas quand même sur les handicapés, attention, faut pas tout mélanger. Il y a des questions d'accessibilité, il y a des questions de... Ne mélangeons pas tout. Karim, tu as raison, mais le distribuant, pardon, je comprends la difficulté d'un non-voyant. C'est symbolique, la manif le jour du vote. Je comprends la difficulté pour un non-voyant d'aller retirer de l'argent dans un distribuant. Non, un aveugle d'abord, un non-voyant, ça veut rien dire. Je sais, tu as raison, mais on n'ose plus. Faire une loi pour que les distribuants soient en braille, en gros, ou à voix vocale, c'est ridicule. C'est vrai que ce serait bien, mais les banques ont qu'à y penser. On va revenir sur le sapin Noël avec le mot de la fin à Pascal quand même. Quelques réactions sur par SMS. Salut à tous, ça me fout en l'air cette histoire de sapin. C'est n'importe quoi, écrit Fanfan au 61-068. Le sapin fait partie d'une tradition. Et si on ne met pas de crèche à côté, je ne vois pas où est le mal, je ne vois pas où est le côté religieux. Écrit Jérôme au 61-068. Pascal, allez, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Pascal, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue. Bonjour Pascal. C'est n'importe quoi cette histoire, hein. Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais dire que le sapin de Noël, en fin de compte, je le voyais plus comme un objet presque laïque, puisqu'en fin de compte, si on prend les enfants autour d'un sapin, qu'ils soient de toutes les races ou de toutes nationalités, ils vont faire la fête autour. Je vois le sapin comme un gâteau d'anniversaire, donc je vois pas le côté religieux du sapin. Bien entendu, la raison Pascal. La comparaison avec le gâteau d'anniversaire. On peut le mettre dans d'autres listes peut-être. Qui pourrait effectivement être dénoncé, c'est la crèche. S'il y avait une crèche au pied du sapin de Noël. Et encore. Pourquoi ça serait dénoncé? La crèche peut être contestable. L'intelligence est aussi. Non, on peut laisser l'âne et le bœuf. On peut laisser l'âne et le bœuf. Mais les âmes, il y en a déjà. Pas tout le monde. Karim, vas-y. L'intelligence, c'est aussi de savoir utiliser la loi à bon escient. Et utiliser la loi à bon escient, c'est pas intégrer Noël dans le cadre de sa loi. C'est pas la peine de mettre un Arménien dans le coup, là. Hein. De bon escient. Ah ouais. Communautarisme oblige. C'est qui informe, allez. Non, mais je me signale, j'ai repris. Pendant que vous discutiez, j'ai repris une phrase du proviseur qui avoue lui-même, quand même, être allé trop vite, mais écoutez bien, craignant des bagarres dans l'école. C'est pour ça qu'il avait retiré le sapin de Noël. Il faut changer de métier, monsieur. Il dit, j'ai peiné à convaincre les élèves et je ne voulais pas qu'il y ait un débat entre eux sans le contrôle des adultes. Donc la seule mesure que j'avais à prendre... C'est dans quelle ville, ça ? D'enlever le sapin de Noël. Au Seine-et-Marne. Au lycée Vandenghem de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, effectivement. Marquez le pauvre, c'est pas la peine de tirer à bout portant sur le proviseur. C'est vrai que je suis sévère avec lui parce que je n'aime pas qu'on cède. Vraiment, il y a un bon sens qui est là. C'est pas facile d'avoir effectivement des mômes qui se battent d'en être responsables. Et c'est peut-être un lycée chaud. Donc bon, il ne faut pas non plus effectivement lui tirer dessus. Dernier mot. Bonjour, si un sapin de Noël n'a pas sa place dans une école, alors une église n'a pas sa place sur le domaine public. À quand un remède contre la bêtise humaine, me dit-on par SMS pas mal. Au 61. Ça peut valoir 0, aussi un CD. Petite musiquette pour suivre les pérégrinations mondiales de notre député du Trocadéro, Bernard Debray. C'est le tour du monde de Phileas Debray. Après la Chine, après le Cachemire, Bernard Debray est à Kaboul, dans la capitale afghane. Et nous avions promis de l'appeler. Bernard Debray, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Salut Bernard. Bonjour Bernard. Avec Sophie de Menton. Bonjour Sophie. Karine Zeribi, Alain Soral et Olivier Truchot, bien sûr Bernard. On t'a laissé au Cachemire où tu opérais, où tu formais des confrères sous l'égide de l'ONU. Tu es à Kaboul encore pour de l'humanitaire dans la capitale afghane, Bernard ? Oui, tout à fait, pour de l'humanitaire, puisque là je viens de voir un certain nombre de patients. J'y avais ici mis un certain nombre de mes collègues, de mes confrères. Donc je suis arrivé, on a vu les patients à l'hôpital, Oui, si on peut appeler ça un hôpital, avec des chambres communes, avec peu de matériel. J'ai apporté du matériel, puis après je suis allé visiter les autres hôpitaux, et j'ai été reçu à l'instant par Hamid Karzai, qui vient d'être élu président de la République. Bon, donc je l'ai salué au nom de tous les habitants du Trocadéro et du 6e arrondissement. Et où est-ce que tu trouves le matériel et... Comment tu le trouves, non, ce matériel que tu leur apportes? Eh bien, ce sont des matériels qui sont donnés par les laboratoires, oui. Et puis aussi par mon association qui a un peu d'argent, qui récupère un peu d'argent et qui achète le matériel et qui le donne. Bernard Debray, et nous en ça ressemble à quoi Kaboul aujourd'hui? Kaboul est une ville totalement assiégée, c'est-à-dire qu'on est forcé de passer par des chicanes, des militaires partout, des tanks partout également. Pour accéder à Karzai, il faut monter non seulement patte blanche, mais il faut se faire fouiller, il faut attendre des heures avec des hommes en armes. C'est un peu émouvant. Tu as peur quelquefois assez... Ça, c'est la femme qui parle. Mais tu as peur quelquefois? Non. Non, je n'ai pas peur parce que ce ne sont pas des gens qui sont destinés à me tirer dessus. On est plutôt du même camp. On leur apporte ce qu'il faut pour qu'ils traitent les malades et les blessés. On ne va pas se faire tirer dessus. Mais c'est quand même assez stressant. On passe pas son week-end ici. Je préfère le passer ailleurs. Mais cela dit, on a l'impression de faire du bon travail d'un malade qu'on a opéré ou d'un malade qu'on a écouté. C'est toutes les plus grandes récompenses. Oui. Quand on pense à Noël, tu parlais du Père Noël tout à l'heure, et bien le Père Noël existe quand même en Afghanistan. Ils ont des sapins à Kaboul? Ah oui, très. Les gens sont très sympathiques, ils ont un peu peur, parce que récemment il y a eu quelques personnes de l'ONU qui ont été enlevées, ils ont un peu peur, mais finalement les gens sont extrêmement sympas. Mais puis je suis dans une position très privilégiée. Quand on voit les patients attendent beaucoup du médecin ou du chirurgien étranger, de ce qu'on peut apporter. C'était très très réconfortant dans la tristesse humaine. Mais oui, il faut être là, il faut être à côté de ces gens. C'était notre salut amical à notre grande gueule, Bernard Debray, que l'on retrouvera bientôt en studio quand il aura terminé son tour humanitaire. Karim Zeribi, Sophie de Menton. Oui, je voudrais quand même remarquer que le docteur Debray est arrivé à pied par la Chine. Non. Les grandes gueules reviennent pour parler du piratage avec l'histoire de ce professeur aujourd'hui, ce professeur de lycée, de collège, qui s'est fait stopper par la police, plus de 600 albums piratés, téléchargés gratuitement sur Internet. Donc lui, il risque gros. C'est une chaleur ou quoi? Et aujourd'hui, vous aussi sûrement, vous êtes les nouveaux délinquants avec ces histoires de piratage sur Internet. Allez, rendez-vous au 32-16 pour en parler dans les grandes gueules. Il n'y a pas de tabou. Ah.